Bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez les bienvenus chez Dr Disco et Mr Funk. C'est samedi, c'est le week-end, c'est relax et en plus, c'est l'heure de l'apéro. On va démarrer sur les chapeaux de roue avec la pépite du jour. Aujourd'hui le groupe Mary Jane Girl avec leur titre All Night Long, sorti en 1983. C'est Rick James qui a composé le titre. Ça sera d'ailleurs leur chanson la plus connue. Elle aura même le privilège des années plus tard d'être incluse dans la bande originale d'un célèbre jeu vidéo. On va découvrir ça immédiatement. Hey boy, would you meet me on the roof tonight? I got a surprise for you. La semaine passée, la double dose était consacrée à Diana Ross. Je pouvais pas faire autrement que vous présenter dans ce numéro sa plus célèbre rivale, Donna Summer. C'est elle que l'on a surnommée la reine du disco. Elle s'appelle en réalité la Donna Adrienne Gayne. Elle a connu le succès durant les années 70 et son premier carton mondial est Love to Love You Baby. Le tube, à l'origine, n'est pas très long, dans les 3 minutes environ, mais il subit une énorme transformation à la demande d'un patron d'édition qui va rallonger pour arriver à 15 minutes. Alors, pour l'anecdote, c'est lors d'une soirée où le fameux patron Niles Bogart était présent que les invités passent en boucle et à la suite la chanson de Donna Summer. Ça va lui donner l'idée de faire un maxi. Le succès est d'abord testé dans les discothèques françaises, ça fait bing tout de suite, ça fonctionne. Le concept est quand même pas mal parce que ça fait plus de 16 minutes. À l'époque, c'était énorme. Donna Summer soupire des paroles clairement érotiques, alternant avec de longs moments dévolus aux choristes et aux musiciens. Il y a de la basse, des synthétiseurs, des violons. Sur fond de grosses caisses envahissantes, lentes et sourdes. Elle va connaître d'autres succès avec I Feel Love, Could It Be Magic, Hot Stuff, etc., etc. En juillet 1977, elle enregistre Last Dance, qui doit figurer sur un film à la gloire du disco, Thank God It's Friday, où elle fera une apparition. Le tube cartonne et devient numéro 1 des ventes pendant 7 semaines. Elle va continuer à sortir des albums jusqu'à son décès en 2012. On va écouter I Love to Love You Baby et Last Dance. À toi Donna. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors pour le maxi du jour, on va rester dans l'amour avec Jimmy Ross et son titre « First True Love Affair ». Le morceau date de 1981. Alors le vrai nom, c'est James Albert Abraham et il est né à Trinidad et Tobago. Ça restera son seul titre connu, hélas. Le chanteur va décéder en l'an 2000. Alors voyons voir un peu cette histoire d'amour. C'est parti. We'll be right back. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Pour l'instant français du jour, j'ai fait une découverte. Si je vous dis Santa Esmeralda, vous connaissez bien sûr. Alors je suis surpris de vous annoncer que le groupe a été fondé à Paris en 1977 par deux compositeurs français, Nicolas Corqui et Jean-Manuel de Scarano, avec Leroy Gomez comme chanteur. La même année sort Don't Let Me Be Misunderstood, reprise du morceau composé par Nina Simone. Moi perso, c'est le seul titre que je connais de, mais promis, je vais chercher, je vais vous en proposer un en pépite, un de ces quatre. Ils ont quand même composé 7 albums sur une période de 5 ans. Le titre sera repris dans la BO de Kill Bill. Eh ben dis donc, j'en ai appris des choses. Place à l'extrait. Alors, vous l'attendez, il arrive tout de suite, la pépite. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait écouter un petit morceau de Cool and the Gang. Ce samedi, on va partir sur Steppin' Out, sorti en 1981. Le morceau est issu de l'album Something Special. On va dire que ça n'agit pas de leur morceau le plus connu, mais il mérite d'être découvert. C'est ce que l'on va faire maintenant. You do for me, that's why we On arrive doucement au terme de notre émission. Voilà, c'est fini. Je vais vous dire bonne semaine, bon week-end, bon dimanche, dans le désordre. À samedi prochain sur Fadjet. Bye bye.